les soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, on a quelques nouveautés à vous présenter, dont on ouvre avec une formation norvégienne que j'apprécie beaucoup, Laughing Stock, qui devrait nous présenter un nouvel album le 4 mars prochain. Et on a un extrait de cet album qui a pour titre Zero Act 3. And four. Donc, c'est la suite du précédent disque paru l'année dernière, le Zero Acts 1 and 2. Et c'est le cinquième album ou le quatrième selon l'estimation, parce que le premier album a été réenregistré complètement en 2020, paru en 2018 et complètement refait en 2020. Donc, on peut dire quatrième pour Laughing Stock. Et puis, on aura un second extrait de Voices, le premier album solo de Kayleigh Wallner, guitariste de RPVL et de Blind Ego. Et puis Marc, après ça, je pense qu'on se transporte aux États-Unis avec un invité spécial. Oui, en effet, il s'agit de la formation Time Horizon, qui est une formation de la Californie et qui nous présenteront le 24 février prochain leur troisième album intitulé Power of Three. Et sur cet album-là, il y a un invité spécial, comme tu le mentionnais. Il s'agit de Michael Sadler, le chanteur de Saga. Donc, on écoutera d'ailleurs la pièce sur laquelle il apparaît, la pièce Living for a Better Day. Mais, comme tu le disais, on débute d'abord avec Laughing Stock. We'll happy. Be happy for you. You were never happy. Happy for me. You can be happy for you. I'll try to be happy. Hi, this is Kalle Wallner, and you're listening to Terra Incognita directly from Quebec City. Enjoy! We'll be right back. Salut, c'est Horluge Simard. Écoutez l'album À chacun son Waterloo en diffusion à CKRL. Ma TV et CKRL qui s'unissent pour parler de culture. Quoi de plus beau, sincèrement? Ma TV 9 Elix, chaîne exclusive Vidéotron, et CKRL, un binôme, un tandem au service des arts et de la culture de Québec. Ma TV et CKRL, parce que la culture, c'est notre réalité. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado, Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Bonjour, ici Abigail de Soul Secret Agency et vous écoutez CKRL. CKRL pour $25 et stimuler l'élan créateur de nos passionnés et mordus de radio. Une nouveauté cette année, CKRL offre en exclusivité à ses membres deux tirages de prix culturels à chaque semaine dans l'émission Les Matins éphémères et Première Loge. Vous êtes membre? Vous êtes automatiquement éligible. Comment y adhérer? Au 418-640-2575, poste 201 ou sur ckrl.qc.ca via le paiement sécurisé PayPal. Allô, Yves Landry. Très heureux d'être ici, c'est-à-dire à CKRL, à laquelle je vous confie, entre autres, le samedi, de 5h à 6h, j'aurai l'occasion d'animer l'intemporel. On va parler d'hier, on va parler peut-être même de demain, mais surtout que on sera toujours intemporel dans le moment présent, pour s'amuser et d'abord et avant tout, se divertir. L'intemporel à CKRL, c'est merveilleux. L'intemporel, une présentation de Clinique Dentaire Centreville, Eurofin Environex, Clinique Médicale Lacroix et XPN Canada. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour amorcer la seconde demi-heure de l'émission, on va y aller avec un groupe dont on a présenté deux pièces dernièrement. Il s'agit de la formation polonaise Framoro, qui, 24 ans après la parution de son premier essai Hater Media, présente un nouvel album qui a pour titre My World is Ending. Framoro, c'est le projet, un des projets du claviériste polonais Ryszard Kramarski, qui est derrière Millennium et TRK Project, c'est-à-dire The Ryszard Kramarski Project, et c'est lui aussi qui gère la maison de disques polonaise Lynx. Et puis on enchaîne avec une nouveauté canadienne, une formation qui a pour nom Machines Dream. Je dis canadien, en fait, pour être plus précis, c'est une formation ontarienne et encore plus précis de Sault-Sainte-Marie. Le groupe a trois albums, et là c'est un EP qui nous présente, qui a pour titre Earth. Leur dernier album est paru en 2017. Donc, j'imagine que le EP annonce un nouvel album. Et puis, Marc, après ça, on a une nouveauté américaine, si je ne m'abuse. Oui, c'est le groupe Vast Conduit avec le claviériste et chanteur Bill Jenkins, qui est plus connu pour son travail dans Ancient et Two Chamber, qui vont faire paraître leur premier album, donc le 16 février prochain. Alors, on aura l'extrait Endless Days de cet album intitulé Always Be There, et également on aura le musicien russe Andrew Rusak et un extrait de l'album Storm Warning, paru en 2019. C'est le troisième de quatre albums. Le plus récent est paru en 2021. Et on aura la pièce Regatta Storica. Mais tout d'abord, on y va avec Framoro. « trace. I'm just a moment. It's nice to meet you. Drop the gun and stay a while. Be fair, I haven't been this scared in quite a while. We're not men, it's all real. you're coming down.

Et puis, bon, ce qui était probablement mon groupe finlandais préféré dans les années 70, le groupe Wigwam, qui a signé quelques petits bijoux dans les années 70, comme Nuclear Night Club ou Lucky Golden Stripes and Star Pose. D'ailleurs, en parlant de Wigwam et de la Finlande, il y avait le musicien, le bassiste, en fait, qui était multi-instrumentiste, le Pekka Pohjola, qui a signé quelques petits bijoux finlandais aussi dans les années 70. Et d'ailleurs, Michael Field l'a découvert et lui a offert de réaliser un album pour lui qui a pour titre de Mathematician Air Display. Ça aussi, un petit bijou comme de prog finlandais. Mais avant d'écouter Bernhard and Porsti et Vesi Linja, tous des musiciens finlandais, on y va avec Carfagen, le nouvel album de cette formation, et comme dirait Marc, prolifique formation ukrainienne, avec l'album Land of Green and Gold. Thank you.

CKRL 89.1. Communication, culture, en cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pains, sandwicheries, pizzas et calzones cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boiteapain.com. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre au 405 3e Avenue à Limoilou. Votre carte ne coûte que 25 $ et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. J'aime le matin, le lever du soleil, les cheveux emmêlés, les rues désertes, le café, l'odeur du pain grillé, les bonjours, les sourires, l'actualité, la radio. C'est dans le fond, la Cour suprême a déjà statué que le président pourrait être consulté. Les matins éphémères, en semaine de 7h à 9h. Saviez-vous que toutes les émissions de CKRL sont disponibles en écoute à l'adresse ckrl.qc.ca? Venez jeter un coup d'oreille. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour le dernier bloc de l'émission, cette semaine, on débutera avec la formation italienne DFA, Duty Free Area, et un extrait de leur 4e album, qui a été leur dernier en carrière, l'album Fourth, paru en 2008. C'est une formation qu'on avait eu la chance de voir au Festival des musiques progressives de Montréal en 2008. Et malheureusement, il y a un des musiciens de la formation qui est décédé après, donc ils se sont séparés. On aura donc la pièce Vietato Generalizzare de cet album de DFA. Et ensuite, Michel, une autre formation italienne et un excellent album en spectacle sur lequel tu as réussi à mettre la main récemment. Oui, un album en concert de la formation italienne Banco del Mutuo Soccorso, ou si vous préférez tout simplement Banco. C'est un concert qui a été présenté en 1999 à Mexico, et puis qui a été présenté sur un label mexicain, sauf erreur, je pense pas que ce soit disponible ailleurs, donc un double album qui propose un survol de la longue carrière de Banco. Un album qui a été réédité avec l'ajout de 4 pièces, et on va écouter une de ces 4 pièces. Il s'agit d'une version de Métamorphosi qui est parue sur le tout premier album de Banco del Mutuo Soccorso en 1972, mais avant, on y va avec DFA. We'll be right back.

Et c'est déjà le temps de vous quitter. Et ce soir, on a choisi de vous laisser avec une nouveauté ancienne, c'est-à-dire une réédition d'un album britannique paru en 1984. C'est la formation Kraft, un groupe qui réunissait des anciens membres de The Enid et puis qui a réalisé un seul album qui a pour titre First Signs. Ça vient tout juste d'être réédité avec 8 pièces bonus et on va écouter la pièce Gemini. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine et on vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir. Et l'autoroute suit dans quelques instants. Et nous, ben, on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.